jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre âge, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. C'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre âge, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. Y'a trop d'hypocrites dans ce monde de fous. Le cerveau fait dans les poches, mais grave sa mère son crew. Toi et moi, on n'est pas du même monde, pas les mêmes envies. Nous atteint dans la tête, pas les mêmes fous. Donner les tiens, c'est rare, et les descents c'est encore pire. Vaudrait mieux que tu prennes un flingue, mais le dos de ta bouche est plus dire. Mais jouer la pute, c'est grave, pour empocher des millions. Mon petit t'es mignon, prends un peu de recul. Faut que tu l'esprit, allez va donner ton boule. Pas tard et ne boude pas, mais surtout ne le prends pas mal. Si je ne bouge pas, va lâcher tes larmes, connard. Si je ne boule pas, moi je suis très peu papa. Mais ne doute pas, c'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. C'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. J'voulais créer un groupe d'art, un groupe de rap, un truc de bâtard. S'il te plaît, me loupe pas, j'écoute pas, je ne vis que de bagarre. J'ai mon dos face au putain sale, plus d'un tour dans le sac à cette heure-là. C'est un putain de bazar, j'vais tout raser comme le tsunami. Moi j'viens pour casser comme les keufs la nuit. Dans le bien y'a du mal et j'en ai fait aussi. Surtout va pas faire l'ancien, chacun son rôle l'ami. La réussite t'attire les mauvais, tu peux si j'suis mauvais. Viens pas me casser les couilles, dis-toi que mon rap il a prouvé. Moi si j'm'en sors, c'est lui qui m'a sauvé. C'est à chacun son tas, sa manière de faire c'est lové. C'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. C'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. J'ai toujours su reconnaître une pute, reconnaître un bâtard. J'ai toujours dit, j'percerai sans donner mon huc. J'ai toujours été celui qu'on aime pas, sans savoir pourquoi. Mais j'irai seul à la gloire de mon but. J'ai l'œil du team et les couilles pleines, mais rien à foutre. Si tu perds, c'est moi non. J'ai la suprême sur un beat. Bellec, quand j'rappe, ça fait du bruit comme la foule. C'est marrant, mais le résultat fait mal comme un looky. Tu parles de braquer, ok, maquer, ok. Ton faux air est frappé, toqué. J'crois que toi, retardé, moqué. Vous, bande de bâtard, le rap, j'vais le défroquer. C'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. C'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. Allez, va donner ton couille, bâtard, et ne boude pas. Mais surtout ne le prends pas mal. Si je te couche pas, va lâcher tes larmes, connard. Si je ne boule pas, moi je suis très peu bavard. Mais ne doute pas, c'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots. C'est la jalousie que tu vois chez les rages. L'hypocrisie nous touche à notre âge. À notre foi, on s'est seulement dit à la rage. Développement lève, ce morceau pour les barjots.